Yeah, yeah. Gimme one. Smoking one. Yeah. L'avenir sans toi, ma vie ne rime à rien. Alors dans mes rêves, y'a plus que toi et moi. J'arrête pas de penser quand tu dis c'était à moi. Aujourd'hui t'es parti, j'en peux t'avoir perdu. Je suis né à la fois, je régler ma valise, bébé, reviens près de moi. Et pourtant, j'ai tout fait pour rester avec toi. Pardonne-moi, bébé, reviens-moi, bébé. Pardonne-moi, bébé, reviens-moi, bébé. Si vous vous n'avez pas rien, à ta rouillon, qui s'y n'y osa. Moi, vous qui dites tout la molia. Pardonne-moi bébé, pour tout je ne fais rien. On vient de là, il joue ta main au bout de la mitana. Il joue à ta ourena, je ne sais plus quoi faire. Quand je pense à notre amour, petit, je ne fais que penser à toi. Ma princesse bien-aimée, tu peux ne pas me pardonner, mais baby, écoute-moi. Je t'ai envoyé des messages, mais baby, tu me réponds pas. Je passe mon temps à parler avec ton répondeur. Je dors pas, je mange pas, la vie de mon cœur, mon moteur, c'est grave dans mon cœur. Number one, baby, je sais quoi faire sans toi. Si vous vous n'avez pas rien, à ta rouillon, qui s'y n'y osa. Moi, mon kédi, tout n'a pas. Galia, Mizana.